J'allume ma bé da da da. 18 piges gros ça rap pa pa pa. L'amour des miens pour me tenir c'est la ba ba basse. J'te l'ai déjà dit tu testigo c'est ba ba ba. On a pesé la haine dans la caca cave. Ra ra ra chiffre à défaut de la lettre. Laisse tomber c'est noir en ba ba ba. Tu deviens chelou quand tu nous vois dans ta fête. On danse mais nous du son, bouge les mains n'importe comment. Des gaines de mexicains avec le son qui sort tout lent. Chaka chaka n'oublie pas qu'un mougli dans la jungle. Taga taga sous la branche qui sourit dans la 15. On prendra le terrain, prendra la tour à DND. Tu trouves pas le bonheur, tu trouves la belle, la coke, la MD. T'inquiète t'inquiète au ballon. On a tous voulu percer. Te trompe pas de but, go, fais pas le CFC. C'est 7 sur 7 que les démons stressent. 2-3 semaines et les résolutions cessent. Ton nez dans ma cesse, chaîne on te dresse. Joue pas les choses si tu refroidis devant la presse. Un pas de travers, je te dis hasta luego. Veux pas de tago, on veut ton pif à ouais gros. La barre trop haute pour faire du limbo. On prend pas de coco, on met rien dans la limo. Ok mani, Rebenga. 18 piges sous le hall. J'vends la ganja. Dans ce monde j'ai pas de grand. J'suis Enda. Besoin de personne. J'sais qu'il m'aime pas. Ok mani, Rebenga. 18 piges sous le hall. J'vends la ganja. Dans ce monde j'ai pas de grand. J'suis Enda. Besoin de personne. On m'a trahi, j'ai voulu pardonner. J'te casse la boca si tu payes pas ce que t'as dans le nez. On veut la vie à Sosa, pour ça faut charbonner. Ramasse la monnaie, pas trop, mais vite la D. Dealer c'est bad, featuring AD. La S dans le mer à la main du tétingé. C'est la S Merli, j'ai la santé. Tu me fais du mal, voilà je vais te planter. La vie c'est du rigette, rien que ça s'endette. Enchaîne les péchés de façon bête. Les pieds dans la mer, c'est le bordel dans ma tête. Dealer NOS, ça charbonne dur dans la tête. C'est que pour la MIF, la Beretta. J'ai ça sous la table, j'allume si à Heja. Ok mani, Mrebenga. PNL dans ma tête, dis-leur t'inquiète même pas. Ok mani, Rebenga. 18 piges sous le hall. J'vends la ganja. Dans ce monde j'ai pas de grand. J'suis Enda. Besoin de personne. J'sais qu'il m'aime pas. Ok mani, Rebenga. 18 piges sous le hall. J'vends la ganja. Dans ce monde j'ai pas de grand. J'suis Enda. Besoin de personne. J'sais qu'il m'aime pas. Ego, je brûle mes rêves. Sur les poings je pousse le sol. Je fais du karaté. On tombe, on se relève. Dans un haut, dans un salon, j'vois la haisse se balader. J'sais qu'il m'aime pas. Leur mère c'est putain. J'aimerais faire le bien, mais des pédés armés. Je pense qu'à recompter, y'a que ça pour me calmer. Ego, je pète une max. Rien de neuf à part les tasses qui pensent que je vais percer. Salam la misère, je pourrais jamais te pousser. Je casse ma puce de mes péchés, je suis pas débarrassé. Là je suis vers Namé. Je rentre pas à la maison, j'ai pas assez brassé. Ok mani, Rebenga. 18 piges sous le hall. Je vends la ganja. Dans ce monde j'ai pas de grand. J'suis Enda. Besoin de personne. J'sais qu'il m'aime pas. Ok mani, Rebenga. 18 piges sous le hall. J'vends la ganja. Dans ce monde j'ai pas de grand. J'suis Enda. Besoin de personne. J'sais qu'il m'aime pas.